Bonjour et bienvenue maintenant à cet enregistrement que je vais faire en compagnie de Berthold. Alors, Berthold, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber. Donc, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez écouter sur sa chaîne de YouTube où il va aborder plusieurs sujets en solo. Vous allez avoir d'ailleurs un lien qui vous permet d'accéder à cette chaîne web qui figure en bas de cet enregistrement. Et sinon, pour moi, bien, c'est sûr que je suis David Lévesque qui est au micro présentement, qui vous parle. Et nous sommes présentement au mois d'août de l'année 2018 et nous allons parler ensemble du destin. Alors, tout d'abord, bonjour Berthold. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, pour débuter cet entretien, j'ai pensé à te poser la question, tout d'abord, en introduction, de définir qu'est-ce qu'est le destin pour toi? Le destin pour moi, c'est une forme qui cache la programmation, la gestion des civilisations au niveau individuel par un concept psychologique qu'on appelle le destin. Mais est-ce que le destin ne peut-il pas être aussi un concept de nature psychique? Oui, mais là, c'est si on le regarde occultement, c'est quoi le destin? C'est de la programmation. Et cette programmation, elle est mise en place par qui ou par quoi? Ben, par qui ou par quoi, c'est surtout souvent, on va voir ça comme s'il y avait des intelligences qui décident du destin de chacun, mais chacun a son esprit, et puis derrière la subjectivité de l'ego, ben, il y a une programmation qui est accomplie, si on peut dire, par l'esprit qui va aider à accomplir quelque chose de prédéfini. Oui. Et par rapport à cet esprit qui va participer à orchestrer le destin, est-ce qu'il travaille de concert avec l'ego? Ben, il travaille l'ego, si on peut dire. Mais est-ce qu'il travaille en relation avec lui? Oui, si. Si, par exemple, vous faites de l'agriculture, vous travaillez ce que vous cultivez. C'est un peu comme si l'esprit travaille l'ego. Oui. Ça peut être, disons que c'est une façon là, de le simplifier là, à l'extrême, mais ce que je vois derrière, là, ça m'apparaît clairement. Mais il y a de l'intelligence dans l'être humain, dans chaque individu. Et cette intelligence-là va amener l'ego à faire ce qu'il a à faire malgré lui, souvent. Donc, accomplir son destin. C'est ça, qui au fond, la programmation là, de l'incarnation. Parce que au niveau de l'esprit, le temps et l'espace, c'est pas linéaire. Donc, c'est quelque chose d'autre, mais au niveau de l'incarnation, l'ego, lui, est incarné dans la matière qui a une linéarité. Mais l'esprit doit composer avec la linéarité dans laquelle se situe l'ego. Oui, parce que justement, c'est quelque chose qui est en dehors du temps et qui agit là, par rapport au temps. Mais l'ego, lui, est dans le temps. Il peut pas travailler en dehors du temps. Il travaille avec le temps. Mais il sait travailler sur une linéarité. C'est ça, au fond. Que ce soit l'évolution, c'est linéaire, parce que c'est via l'incarnation planétaire. Ce qui, au-delà de l'ego, va travailler avec les forces planétaires du plan matériel. Et quand que tu dis que l'ego se fait travailler, est-ce que ça veut dire qu'il y a un destin qui est imposé à l'ego? Oui, parce que l'ego ne peut pas évoluer par lui-même. Ou même évoluer par lui-même, il n'en serait pas capable. Même l'évolution vient de l'extérieur. OK, donc même l'évolution, c'est intéressant à aborder, c'est-à-dire la déchéance là, psychologique, même ça, ça vient de l'extérieur. Oui, c'est toujours imposé. Donc, ça revient à dire que l'ego est sous tutelle psychique. Oui, toujours, parce que il est passif de nature, là, tant qu'il n'y a pas une partie de l'énergie de l'âme qui est intégrée consciemment. Là, il peut y avoir un travail avec l'esprit qui est de concert, mais avant ça, c'est toujours imposé. Sinon, l'ego n'évoluerait pas, là. L'être humain évolue parce qu'il n'a pas le choix. Que ce soit individuel ou collectif, c'est jamais une question de. C'est malgré ce qui est, si on peut dire, les forces planétaires là, qui sont travaillées à travers l'incarnation. Ce qui veut dire que l'esprit va imposer à l'ego un destin, une programmation, et l'ego n'a pas son mot à dire là-dedans. Bien, une fois que l'ego est assez fort pour intégrer la systémique de ça, là, il va y avoir un travail de concert, mais l'ego va se soumettre parce qu'il voit. OK, mais est-ce qu'il y a un moyen pour que l'ego arrête d'être soumis pour atteindre une liberté qui lui permet d'être exempté d'une tutelle psychique et d'une programmation de destin? Justement, elle est là, c'est dans l'illusion de sortir de l'illusion du contrôle. C'est en se soumettant à l'esprit que l'ego va être libre. Il y a une illusion égoïque qui est liée au besoin de contrôle. L'être humain n'est pas assez conscient de l'intelligence qui est à sa source pour s'en remettre complètement à elle. Oui, c'est sûr que c'est délicat parce que s'en remettre à l'intelligence de sa source, dans certains cas, il y a des gens qui vont en réalité remettre comment dire, mettre de côté leur esprit critique, devenir naïf, puis là, ouais. Plus on avance là-dedans, plus les pièges sont subtils, plus c'est dangereux. Même l'être humain n'est pas encore capable d'entrer en contact avec son esprit sans l'entêtiser parce qu'il est psychologique. Donc, il va avoir besoin de personnifier les forces, les anthropomorphiser, puis c'est là qu'il est en danger. Parce qu'il y a toutes sortes là, de forces en jeu. Il n'y a pas juste ce qui est à la source de la manifestation humaine sur Terre parce que les plans sont habités. Oui, donc c'est sûr que de colorer son rapport avec la source, puis l'anthropomorphiser sous la forme d'un ange gardien, d'un guide ou d'un maître spirituel sur un nuage, avec ses petits. C'est parmi les plus grands dangers. Puis même le concept du double, va servir à manipuler des gens. Oui, au même titre que celui de destin peut servir à Oui. manipuler des gens. Ben oui, parce que c'est là le danger. Si l'individu n'a pas une identité réelle et que ça lui dit en lui qu'il a un destin, qu'il a une mission, que c'est une fausse identité qui est nourrie, qui sert justement, c'est un nouveau décor qu'on lui construit pour le perdre, parce qu'il n'a pas la maturité d'aborder ces choses-là, justement, sans sortir du psychologique. Puis, automatiquement, la personne se met en danger, elle se met en expérience, elle se met en initiation, et puis, va falloir, parce qu'elle n'a pas une intégration consciente de cette mécanique-là, elle va devoir souffrir pour l'intégrer par l'expérience. Exactement, et ça me fait penser beaucoup au piège du missionnariat spirituel. Donc, les gens qui ont la croyance d'avoir comme destin d'évangéliser l'humanité pour apporter des connaissances ou C'est des. ça, Ouais. exactement. Parce que c'est au fond, ces gens-là, sans le savoir, sont le jouet de des forces qui les dépassent. Comme par exemple une religieuse qui décide d'être missionnaire et d'aller, disons, là, en Afrique, comme ça se faisait beaucoup dans les années 50, comme missionnaire. Et puis par après, là, l'organisation à laquelle elle appartient, elle sert de façade pour donner une légitimité à des choses politiques, là, derrière. Puis, c'est qu'il y a beaucoup de peuples, notamment, qui ont été colonisés et soumis en se servant de des religieuses qui étaient sincères, qui voulaient bien faire. Mais elles ne voient pas à quel point elles sont le jouet de certaines forces en jeu parce que c'est de la naïveté. Mais c'est pareil à tous les niveaux. Oui, et justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par l'ego pour voir plus clair par rapport aux forces qui peuvent le manipuler? Il n'y a pas grand-chose à faire à part d'être tenace, de travailler avec le temps, mais sans être dans l'attente. Parce que l'ego va recevoir ce qu'il est prêt à prendre. Oui, ben tout est reçu selon la forme du récipient, comme dit un célèbre adage philosophique. Puis c'est ça, l'ego, c'est une structure fragile à cause de l'émotivité. Ouais, ben ça me fait penser à la question, à savoir quelle dose de réel êtes-vous prêt à absorber sans péter les plombs? Exactement. Puis, c'est toujours il va être moins dommageable pour quelqu'un d'être dans l'illusion que les forces lui construisent un décor pour la perdre, des fois, que d'être dans le réel. C'est même jusqu'à un certain point, ça préserve une mémoire là, égoïque avec laquelle il va pouvoir y avoir un travail. Alors que si le réel était pris en conscience trop tôt, l'ego ne pourrait pas supporter la réalité parce que les forces qui sont derrière la densification là, dans la matière, là, ce qui est derrière, qui est plus subtil, eh bien ça, c'est très, très froid. C'est très, très. Il y a quelque chose d'inhumain dans ça. Puis là, j'emploie un terme populaire, là, mais réellement, là, il y a même. Ce qu'on des fois là, on va qualifier d'animal certains comportements et tout, mais quand on regarde là, ce qu'on pourrait dire là, le cosmique, ben, l'animal devient très très sympathique à côté. Donc, autrement dit, les intelligences qui sont derrière les infrastructures psychiques de l'être humain sont des êtres qui sont pas très sympathiques à tes yeux. Mais c'est que. Ça n'a rien à voir avec. Justement, la sympathie nous vient de notre animalité, de notre émotivité, la capacité à se projeter, le côté animal social de l'être humain. Mais les intelligences qui sont, si on peut dire, là, ce qui va coordonner l'être humain, ce qui coordonne la manifestation de l'énergie, de l'intelligence dans le plan matériel, ces êtres-là sont en dehors là, de considérations comme ça. On est tous des enfants à côté, là, nous sommes tous d'une naïveté terrible. C'est des êtres. C'est même pas au sens où on l'entend, mais on sent là, une intelligence d'une froideur totale. Oui, ben c'est sûr que les êtres qui sont situés notamment sur le plan supramental, à différence du plan astral avec des êtres désincarnés, c'est des êtres qui sont très froids. C'est sûr qu'il y a une problématique parce que ces êtres-là n'ont pas le vécu expérientiel que peut avoir l'âme dans la matière. Donc, ils n'ont pas la capacité d'avoir une compréhension empirique, une compréhension expérimentale similaire à l'être humain pour comprendre l'impact réel à ce niveau de ce qu'ils font vivre à l'être humain. Exactement. Et puis, c'est là que le contact peut être aussi, si on peut dire d'une certaine façon, c'est aussi traumatisant pour eux que pour nous. Parce que ça les confronte à ce qu'il y a eu, c'est des intelligences qui se sont jamais incarnées. Ouais, ben ça les conteste. Donc, c'est sûr que l'être humain qui vient lié psychiquement à eux. Puis eux autres sont confrontés à l'être humain qui leur parle, qui les perçoit, qui leur fait un retour d'information sur ce qu'on construit comme infrastructure physique, ben, ça les amène à être obligés de se réajuster. Oui, parce que là où leur intelligence commence, eh bien, tout ce qui est la sensibilité planétaire comme on la connaît, ça leur est inaccessible. Mais il est possible de Ben, leur attends une faire minute. sentir la Ouais, c'est ça. vibration de ça. Ben, c'est ça. Ça leur devient accessible à travers la parole avec un feu vibratoire. Oui, puis des fois, on sent ce qui ressemble presque à de la panique. L'être humain, quand il parle, des fois, il peut causer des remous qui vont très loin. La Oui. parole, c'est très fort. Ben oui, c'est ça. Une parole avec une vibration de contestation, ça peut ébranler certaines entités qui sont à la base même des infrastructures psychologiques de l'être humain. Oui, parce que Même si ils ont une compréhension parfaite, ils n'ont pas ce que nous appelons le vécu. Et ça, Exactement. c'est quelque chose qui est facile à comprendre pour eux, mais qui serait impossible à supporter possiblement. Ouais, ben c'est ça, c'est que l'être humain devient un médiateur entre eux, ben, entre eux et eux dans un sens que l'être humain est un intermédiaire sur le plan matériel qui leur retransmet des informations, qui leur fait un retour d'informations sur l'impact de leur création, puis à quelque part, l'être humain leur sert une forme de miroir pour les amener à avoir une meilleure compréhension d'eux-mêmes à travers de la connaissance de la création expérimentale qu'on peut leur communiquer d'une manière télépathique. Oui, exactement, parce que, au fond, de par la perfection de ces intelligences-là, ils sont extrêmement limités. C'est ça que l'être humain a de la difficulté. Il va toujours hiérarchiser au-dessus de lui des choses, au fond, dont il fait partie, alors qu'il est plus vaste que ça. Oui, et c'est la raison pour laquelle que moi, je ne les mets pas sur un piédestal au-dessus de moi, ces intelligences-là. Et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, il est clair que l'être humain doit horizontaliser le rapport avec les intelligences de nature impersonnelle pour qu'il y ait un équilibre parfait entre les deux. Oui, et puis ne pas non plus trop les polariser comme ça a été bon à une certaine époque parce qu'il fallait commencer à en parler. Là, il était dit que c'était des chiens, puis, mais pas non plus trop leur donner d'importance à ce niveau-là, là, psychologiquement. C'est ça, c'est pas des chiens, c'est pas des anges, c'est C'est ça. des êtres de nature impersonnelle. Si on peut dire un peu des. C'est un peu comme des fonctionnaires. Oui. Mais un niveau là, dans le cosmique, là. Mais c'est sûr qu'on est obligé de prendre des images là, pour comparer, mais quand on regarde la nature, comment c'est construit, parce que c'est comme moi, là, je passe beaucoup plus de temps dehors à regarder des plantes, par exemple, qu'à regarder la télévision, parce que mes yeux, là, c'est de la haute technologie, les plantes. L'être humain n'a pas encore atteint l'extraordinaire technologie qu'est la nature, par exemple. Mais Oui. les intelligences qui se cachent derrière ça, on voit en observant comment la nature est encodée, comment tout ça a été placé, parce qu'il n'y a pas de hasard, puis on voit la froideur terrible de ces intelligences-là. C'est là que Darwin disait, regardez l'horrible cruauté de la nature, puis jusqu'à un certain point, c'était un peu pour faire tomber l'image du créateur qui aime ses créatures, et puis bon. Ça a créé des conflits qui existent encore, le créationniste versus l'évolutionniste, puis ces choses-là. Mais ça peut pas, c'est un conflit insolvable parce que c'est l'évidence qu'il y a de l'intelligence derrière cette haute technologie-là, qui est le vivant matériel, que ce soit n'importe qui a une sensibilité, qui regarde les plantes, les animaux, qui voit le jeu des forces là-dedans, le mouvement, puis ce que ça crée, l'équilibre que ça crée, voit qu'il y a de l'intelligence. Ça peut pas être dû là à. C'est pas comme comment je pourrais dire ça, c'est pas aléatoire, là. Mais il reste que si quelqu'un de sensible va voir aussi l'extraordinaire froideur qu'il y a derrière ça. Parce que la nature, justement, c'est un lieu là, pour entrer de l'information là, qui transfère des plans jusqu'au plan matériel. Mais une des c'est ce que le système nerveux a pu devenir au niveau des animaux évolués et tout ça, les intelligences qui l'ont conçu ne peuvent pas savoir ce que c'est de le vivre. Ça, c'est une évidence à mes yeux, là, à moins qu'ils se mettent à s'incarner, mais là, à partir de là, ils entreraient dans un processus de linéarité qui les coupe du cosmique, qui les force à évoluer à partir de des plans plus denses, et ça, c'est très, d'après moi, là, je pense que j'ai de la difficulté là, même à imaginer là, que, disons, là, un être qui serait parfaitement cosmique, là, qui s'incarne dans le plan matériel, j'ai beaucoup de difficultés à. On va avoir affaire Mais à des êtres entre deux, là. Bertold, qu'est-ce que tu penses que nous autres qu'on a fait en tant qu'homme en s'incarnant sur la Terre? Oui, mais on est coupé de notre nature cosmique quand même jusqu'à un certain point. Mais la minute qu'on vit la fusion puis une communication télépathique avec les plans, on retrouve le contact avec notre essence cosmique. Mais là, ça crée des conflits Ben oui, c'est sûr. terribles. Et puis, je parle d'un être là, qui sera encore en harmonie avec son plan architectural d'où il vient, qui s'incarnerait dans la matière là, en ayant conservé parfaitement ces caractéristiques-là, cette nature-là. Je pense pas que ce soit possible. Il faut qu'il y ait une partie de la mémoire dans le... Sinon, le plan matériel, l'incarnation devient insupportable. Oui, ben c'est sûr que quelqu'un qui aurait la conscience d'avoir été absolu, d'être dans des conditions aussi limitatives et restrictives que celles d'habiter un corps physique à l'époque actuelle, c'est très dur à supporter. Oui, c'est comme je peux avoir le sentiment que j'existe depuis très longtemps, que j'ai une certaine infinité, puis des choses comme ça. Mais de m'en souvenir là, au niveau de la source, c'est quelque chose que mon ego pourrait pas prendre probablement. De toute façon, une fois que c'est pris, il n'y a plus besoin de. Là, on retourne à l'imperfection qui fait que le plan matériel redevient inutile. C'est pour aboutir à de Ben, l'infinité que. c'est-à-dire le plan matériel utilisé temporaire, le temps qu'on remonte en vibration pour aller ensuite sur le plan morentiel ou éthérique. Oui, mais il reste que ces mondes-là aussi sont en expansion. Pour qu'il y ait de l'infinité, il faut qu'il y ait la création de ce qu'on peut dire là, de différenciation, là, quand même. Donc, Oui, mais l'expansion est en parallèle avec un phénomène de contraction. oui, mais ça change rien. Oui, mais c'est parce que dans le fond, les mondes sont en expansion puis en contraction, un peu comme l'inspiration puis l'expire. Tu sais, il y a des cycles. Oui, mais ça change rien. Ce qui est en expansion reste en expansion, même si. Ouais, t'as raison, vu de même, là. Ben oui, c'est comme. On voit ça là, chez les Juifs là, qui parlent du Tzimtzoum. Même ça, c'est des. Même là, c'est des notions que je vois plus comme utiles vraiment. Mais il reste que pour qu'il y ait de l'infinité, pour que l'infinité soit ce qu'elle doit être, ben là, c'est certain que. Une perfection arrêtée, finie, ben ça devient une imperfection dans un univers. Ça devient une imperfection. Ben oui, ce qui est fini est plus en mouvement. Oui, dans le sens que ça devient statique, un plafonnement. Oui, même que la perfection. Quand quelque chose a atteint un perfectionnement, une perfection, puis qu'il n'y a plus moyen de perfectionnement, ben. Il va y avoir des perfectionnements parallèles qui vont se créer. C'est impossible de faire autrement. Oui, parce que sans ça, il n'y a plus de dynamisme créatif. C'est ça. Et puis, pour que ça compte, pour que de tout. Même là, je finis par. J'ai plus de notion vraiment de temps à ce niveau-là. C'est comme ça parce que ça peut pas être autrement, puis je vois pas de raison. Je vois pas de. C'est pas psychologique. C'est pas des formes psychologiques qu'il y a derrière ça. C'est comme ça. Puis c'est pas de. J'ai plus vraiment là, de questionnement par rapport à ça. De pourquoi que, par exemple, l'être humain est un être justement d'évolution, qui est pas dans sa perfection au départ, ben c'est à cause de la linéarité du plan matériel. Mais même là, au niveau de l'esprit, c'est déjà atteint. Exactement. Et pour en revenir à notre sujet du destin, est-ce que pour toi, l'être humain peut être libre du destin éventuellement? Ben, il est libre du destin. C'est comme je disais, quelqu'un qui se soumet à l'esprit va être libre. La Puis liberté est dans la si. soumission? Oui, mais c'est l'illusion du contrôle. Oui, dans la liberté, dans le lâcher prise, avec l'illusion psychologique du contrôle. Oui. Parce que si c'est là, à un moment donné, même Bernard, il peut paraître contradictoire parce qu'il dit qu'il va falloir que l'ego se soumette aux forces de l'âme. Puis là, tout d'un coup, ça paraît contradictoire avec d'autres choses qu'il a dit. Ben oui, parce Mais que il reste l'ego doit que. contester les forces aussi. Oui, puis pendant qu'il conteste, il y a des choses en l'ego qui brûlent. Donc, à ce moment-là, il se soumet à l'esprit d'une certaine façon parce qu'il intègre plus d'esprit. Ah oui, c'est comme quelqu'un là, qui a 14 ans puis qui fait des manifestations contre des grosses corporations, puis est rendu à 45 ans, ben, il reçoit son salaire d'une corporation. Ça a l'air terrible, mais il reste que jusqu'à un certain point, à un moment donné, l'individu, il faut qu'il prenne conscience qu'il n'est pas responsable au niveau psychologique de son environnement, puis que c'est lui qui est important. Exactement. C'est juste de la maturité. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il peut y avoir une forme de dialectique qu'on pourrait adresser au niveau psychique. C'est-à-dire, dans la dialectique, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, c'est sûr que d'un côté, l'être humain, il est sous influence de l'esprit. Il peut contester l'esprit pour ensuite que l'esprit s'ajuste davantage à lui et atteindre une intégration supérieure de l'esprit. Oui, ben, ça se fait dans les deux sens. À mes yeux, l'ajustement, parce Oui. que pour l'esprit aussi, il va s'ajuster à sa contrepartie planétaire, si on peut dire. Exactement. Donc, l'être humain doit ajuster l'ajusteur de pensée. Oui, parce que à un moment donné, s'il n'y a pas, c'est un peu comme avoir un tableau de bord qu'on voit pas. C'est un peu comme si il y a à notre disposition des choses dont on peut se servir, mais il reste que pour venir à bout de se rendre compte qu'on les a et puis de s'en servir comme il faut faire des accidents, il faut faire des erreurs. Oui, mais là, ça nous ramène à une conscience expérientielle d'essais-erreurs. Oui, mais ça commence toujours par ça. Je vois Oui. pas. C'est comme. Ça peut pas faire autrement que commencer par ça. Mais à un moment donné, c'est dépassé, mais ça, c'est très important. Oui, c'est Quand ça. Ça la... commence par ça plutôt qu'une conscience télépathique directe avec eux autres. Ben oui. Quand la personne elle commence à se dire, ben, j'ai fait une erreur, mais je l'ai vu tout de suite après, puis je suis content de faire des erreurs, puis je vois de plus en plus, puis là, ça commence à être utile, là, puis il va finir par y avoir peut-être une sortie de ça. Mais même là, ça continue tout le temps à un niveau ou à un autre. Puis par rapport au destin, est-ce que tu penses que la civilisation présente de l'humanité capitaliste, matérialiste, occidentale et voit un destin particulier? Ben, c'est drôle, parce que c'est pas des choses auxquelles je pense vraiment. Bon. Je vois que l'humanité clairement vouée à des chocs là, qui vont faire qu'il va y avoir des changements, mais je pense que pour ce qui est là, de l'humanité matérialiste, capitaliste, et puis l'humanité, même si elle évolue, elle n'aura pas le choix d'être matérialiste quand même. Parce que comment je peux pas, mais c'est juste peut-être la superficialité de la valeur, puis de la façon dont l'énergie circule dans les formes matérielles va évoluer. Mais une humanité avancée peut pas faire autrement que d'être matérialiste, parce que pour qu'une civilisation avance, faut qu'elle entre dans une science. À chaque fin de cycle, il y a une nouvelle science qui est intégrée. Il n'y a pas le choix. La science, pour un être incarné dans le plan matériel, ça comprend le plan matériel. Ça comprend tous les biens. Donc, Oui, il est... mais j'entendais ici matérialiste dans le sens de vivre strictement en fonction de la matière au détriment du contact avec l'esprit. Ben, c'est que l'être humain est encore dans une position où on dirait que c'est en dualité, là, un peu comme les philosophes anciennement qui opposaient le corps et l'esprit. Puis là, même ça a aidé là, à comprendre qu'il y avait des choses intermédiaires, mais il reste que. Non, je vois pas de. L'être humain, il va falloir qu'il soit matérialiste quand même. Oui, Je veux dire, il va ils falloir ont à qu'il. interagir avec la matière. Ça, Ah oui. là-dessus, je suis d'accord avec toi, sauf que moi, je le voyais étant voué à intégrer davantage d'esprit au fil des prochaines décennies, des prochains Ben oui, siècles, ben, pour c'est que aboutir à une ce science sera plus. intégrale. La façon dont je le vois, c'est que ça va être ajusté, ce ne sera pas incompatible. C'est Je ne vois pas ça. pourquoi le fait de vouloir être ajusté à la matière, de vouloir avoir la paix, d'être confortable, d'avoir une certaine qualité de vie, c'est pas censé être en contradiction avec l'intégration de l'esprit. Mais notre civilisation qui est un peu, on a encore des réflexes manichéens, puis on dirait que les gens pensent que pour intégrer l'esprit, il faut vivre dans un dénuement terrible, dans des doctrines ascétiques, de discipline, de mortification, alors que la matière et l'esprit ne sont pas censés être incompatibles. Puis c'est là aussi où c'est choquant parce que l'être humain est encore polarisé. On a affaire à des gens, ils semblent avoir aucune valeur morale, aucune sensibilité. Ils deviennent riches parce qu'ils ont des valeurs matérielles. D'un autre côté, on a des gens qui ont des grandes valeurs morales, une grande sensibilité, mais qui sont parfaitement stupides au niveau de la gestion de la matière, qui vivent comme des gens au Moyen Âge, par esprit de mortification. Puis c'est là où l'être humain n'est pas créatif parce que d'être confortable sur le plan matériel, puis d'être confortable dans l'intégration de l'esprit, c'est pas censé être incompatible. Exactement. C'est là qu'on voit que l'être humain n'est pas encore tout à fait à l'aise dans le plan matériel. On voit qu'il vient d'ailleurs. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le sens que, de mon point de vue, de ma compréhension, l'être humain doit en venir à une science intégrale qui fait la synthèse parfaite entre la science de la matière et la science de l'esprit pour aboutir à une compréhension multidimensionnelle du réel plutôt que limitative et restrictive associée à une perception superficielle et matérialiste. C'est ça, parce que sinon, c'est comme étudier la surface des choses et penser qu'il n'y a rien en dessous. Ou bien il y a d'autres gens, ils étudient juste le fond des choses, se noient dedans, puis ils ne voient plus la surface, puis les pieds ne leur portent plus par terre. Là. Et pourtant, c'est comme si, encore aujourd'hui, c'est difficile d'être assez vaste pour intégrer les deux, les harmoniser d'une façon saine. Exactement. Il y a peu de gens qui sont capables de faire la synthèse. C'est un petit peu comme tu le mentionnais tantôt. Il y a des gens qui vont être dans une vision darwiniste, d'autres... une vision créationniste du monde. Donc, il y a différentes polarités. Puis, c'est comme la question de l'inné et de l'acquis, de la liberté versus des déterministes. Donc, différentes polarités. Oui. C'est là où on voit que ce que l'être humain a développé, ses facultés de synthétisation, de projection, si on peut dire, le plan psychologique, c'est extrêmement limité. C'est extrêmement limité parce qu'il y a des débats qui ont encore cours et puis ça date du 13e siècle. Et puis, en plus, quand on le regarde occultement, c'est vide de sens. C'est un os à gruger pour que les gens, justement, se perdent dans le plan psychologique pour qu'on colle un jour qu'on voit les limites de ça. Et puis, c'est très, très limité. C'en est même que s'il y a des gens, ils se mettent à 15 à 20 dans un brainstorming autour d'une table, il y a juste finalement, à la fin de la soirée, ils sont persuadés que l'idée qui a fait consensus est intelligente et le lendemain, quand ils la proposent là, à la direction là, d'une boîte de publicité, c'est rejeté parce que c'est particulièrement stupide. Ce sont des idées trouvées par des individus qui sont en eux-mêmes, là, qui sont sensibles à ce qu'ils captent. C'est ces gens-là qui trouvent de bonnes idées, pas des groupes de gens qui réfléchissent. Ça peut pas, c'est impossible. Parce que la vraie créativité, c'est pas psychologique, simplement. C'est pas lié à Les gens, au fond, quand ils se mettent là, pour trouver des idées comme ça, souvent, ils se polluent entre eux. Finalement, ils créent une vibration de groupe qui est un peu, si on peut dire, quelque chose de séparé, une réalité séparée. Et puis, ce qui va finalement se tenir parfaitement dans ce qu'ils viennent de créer, au niveau là, du contexte, une fois que c'est sorti du groupe qui a trouvé l'idée, c'est pas ajusté. Et puis, ils ne le voyaient plus. Ouais, ben c'est sûr que pour ce qui est du brainstorming, c'est un sujet intéressant à aborder, étant donné que j'ai déjà étudié un peu là, par rapport à ça. En ce sens qu'un brainstorming, normalement, les gens spontanément parlent qu'est-ce qui leur vient en tête. Et la question à se poser, c'est qui ou quoi qui parle en eux. C'est sûr que si on a un grand groupe, il y a 50 personnes, puis c'est tout de l'astral qui parle en eux, puis ils font juste régurgiter des mémoires déjà existantes, ben ça donnera pas grand-chose à comparer à quelqu'un qui est en contact avec l'esprit et qui peut canaliser spontanément des idées de nature créative. Ben, même quelqu'un qui est en contact avec l'esprit, s'il est en contact avec un groupe que c'est pas le cas, habituellement, c'est lui qui va s'ajuster au groupe. Puis là, à moins qu'il y ait la vibration suffisamment forte pour ajuster le groupe. Ben, dans ce temps, habituellement, quand il est bien très élevé en vibration, il s'en va. Ben, attends une minute. S'il y a un mandat, si on pense entre autres à Bernard de Montréal, qui apparemment, lors des salles de conférences qu'il donnait, amenait une vibration particulière dans la salle qui faisait en sorte que les gens étaient imprégnés par cette vibration et les sortaient Ah dans un ben état de réflexion. c'est pas le même contexte du tout. Ben, c'est Et pour ça si que je te son dis que ça peut père. être possible que quelqu'un qui a une forte vibration modifie l'éther de la pièce dans laquelle il se trouve et des individus aussi qui sont proches de lui, là, physiquement. Oui, ça c'est possible, mais il faut que le contexte s'y prête. Oui. Parce que si on prend par exemple, là, il y a une compagnie de Montréal qui avait une compagnie là, dans le domaine de l'énergie, qui avait un nom là, qui était en lien avec le côté là, métropolitain. Là, il y a des gens au niveau là, pour ce qui est de l'apparence de la compagnie, qui, ben là, on veut ouvrir des marchés en région, puis ça fait trop métropolitain. Puis ils ont décidé de changer le nom de la compagnie. Puis ils ont mis un verbe là, avec le mot énergie pour changer le nom. Puis ça, c'est des idées là, de brainstorming. Parce que c'est tellement pas logique puis stupide que ça peut pas faire autre. Ça peut pas venir d'un individu, il faut que ça vienne d'un groupe d'individus. Parce que ça va coûter très cher de faire tout le lettrage et tout, alors que les gens en région, ils s'en foutent là, du nom. C'est un nom qui est vieux, puis ils savent Ben, d'où ça vient, puis ça les ça dérangerait pas. dépend. L'impact du nom, ça a une certaine résonance chez des gens, dans le sens les gens, il y en a qui vont être fascinés par la forme. Donc, le nom, c'est une Oui, mais forme, donc c'est ça que peut. le nom était correct, OK. puis eux, ils sont venus à l'idée que c'était plus correct, puis là, ça va coûter extrêmement cher pour changer le nom. Puis juste là, changer le nom, enregistrer des entreprises, et puis tous les frais, puis juste la papeterie, puis c'est incroyable comment ça va leur coûter cher, parce qu'il y a des gens qui ont étudié la psychologie de marché dans des universités, qui sont venus dire le nom n'est plus ajusté à la réalité, alors que c'était pas le cas, puis ils vont perdre de l'argent. Mais qu'est-ce qui Puis t'amène à dire que c'était pas le cas? ben, moi, je vois pas de lien. Quand j'ai eu ça, j'ai dit c'est une mauvaise décision. Ben, J'ai ça considéré dépend. que c'était une mauvaise décision. Puis je trouvais Est-ce pas ça que. logique. Ben, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que il faut tout le temps voir si, objectivement parlant, le nouveau nom va pas leur permettre d'aller chercher plus de clientèle, Non, c'est pour des raisons psychologiques qu'ils ont changé le nom en se disant on va ouvrir des marchés en dehors de la métropole le plus possible, puis le nom convient plus. Mais c'est mal comprendre la psychologie dans des régions. Parce qu'au contraire, ça aurait pas mieux. Ben, moi, je ne sais pas, parce qu'il y a des formes qui, en étant plus subtiles ou raffinées, ça va avoir plus d'impact. Les gens vont plus C'est s'identifier les à thèses de ça. la psychologie de marché. Mais vraiment, là, au niveau des impacts, là, par rapport à l'investissement que ça demande, je considère que c'est une mauvaise décision. Parce que s'il y a un impact, ça va être tellement sur le long terme. Ben, c'est tout en avoir la possibilité d'un retour sur investissement. Oui, mais c'est trop sur le long terme. Et puis même là, ça va être minime. Je vois pas. De toute façon. Mais là, on en parle, là, je suis plus en parler psychologiquement, en analyse coût-bénéfice, mais si on leur prend sur le plan psychique, c'est simplement de voir si la personne à la base avait la vibration réelle de changer le nom. Ben, c'est un collectif qui a changé le nom. Enfin, ça peut pas. J'ai beaucoup de difficultés à considérer que ça vient d'un individu. Il faut que ça vienne d'un collectif. Parce que c'est trop. Il y a quelque chose là-dedans. Moi, c'est tout ce que j'ai vu tout de suite que ça avait pas de sens, mais je mets ça un peu sur le fait que j'étais tout seul, puis je suis pas impliqué dedans. Mais je suis pas mal certain que ça changera rien. Ça changera rien au niveau des parts de marché. Puis même là, je trouvais que c'était une mauvaise décision. Puis vraiment, je suis pas mal certain que. Ben, on verra, là. Je pense que tu sais de quelle compagnie je parle, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une mauvaise décision. Mais ça vient c'est des gens là, qui ont étudié là, en psychologie de marché au niveau de la publicité. Là. Ben, je vois. Bon, mais c'est de leurs affaires, là. Donc, Oui, mais c'est là, je le vois comme une décision faite sur des concepts psychologiques. Et puis finalement, quand je le regarde de loin, puis je le regarde occultement, ça avait. Je vois pas de. Je vois. Si je le regarde comme il faut, je vois pas de raison de faire ça. Je vois mais ça comme moi, ben, ça c'était inutile. dépend. Moi, c'est sûr que par rapport à ce que tu mentionnes, j'ai pas étudié en profondeur la question, puis je connais pas nécessairement la compagnie. Mais des fois, vibratoirement, un nom, il y a une codification énergétique qui s'y rattache. Ouais, mais c'est quoi le lien du vibratoire, là, de ce qu'on fait? Ça resterait à voir. Il peut y avoir des gens sensibles dans le groupe. Ben là, c'est parce qu'admettons là, que t'es dans une salle de conférence avec des gens un peu, puis tout, là, tu commences à dire, ben là, vibratoire, moi, je fais une lecture vibratoire, puis je pense pas, là. Les gens, ils vont être plus dire, ben là, au niveau de l'inconscient, telle forme rappelle le côté rassurant de la mère, donc blablabla, c'est des choses comme ça. Oui, c'est C'est possible que ça soit psychologique. C'est très peu probable que toujours. ça soit en lien avec une conscience occulte, étant donné qu'à l'époque présente, il y a très peu de gens qui vivent ça. Ben oui. Mais pour en Ben... revenir à notre sujet du destin, est-ce que pour toi, le nom, par exemple, que prend un individu est en lien avec une programmation, une destinée? Oui. Ben oui. Parce que c'est les parents qui donnent le nom. Le nom qu'un parent donne à son enfant vient pas du parent. Ça vient pas des parents, ça vient de qui? Ça vient pas des parents en tant qu'égo. Des fois, Mais ça peut venir du ouais. parent, mais c'est souvent, ça sera pas conscient. C'est pas quelque chose qui est fait consciemment. C'est rare que les gens vont donner consciemment un nom à un enfant. Justement, ça va être vibratoirement qu'ils vont le faire, mais ceux-là, ils le savent pas. Ouais, un petit peu comme la personne qui va dire ah spontanément, ah ça me dit de l'appeler Stéphane. Oui. Fait que c'est qui dit ça? Ben elle, elle prendra pas le temps de fouiller puis d'approfondir pour réaliser que c'est une entité sur les plans occultes. Ben c'est tout le temps lié là, à ce qui est planétaire. Ben ça dépend. Il peut avoir une entité astrale ou cosmique qui Oui, peut. mais elle intervient dans le planétaire. Oui, ça c'est vrai qu'elle va Donc, passer à travers le planétaire pour oh, interférer dans tout la. en lieu planétaire. Quelque chose qui est totalement cosmique puis détaché du planétaire, ils s'en foutent là, des noms que vous donnez à vos enfants. Est-ce qu'on peut dire que les entités du plan mental s'en foutent? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'eux autres, ils peuvent avoir des agendas initiatiques par rapport à certains individus, puis le nom amène une codification énergétique. Oui, mais celui qui n'est pas justement en lien avec une tâche comme ça, c'est pas qu'il s'en fout au sens où nous on le dit, mais il n'est pas concerné. Ben, s'il n'en est pas conscient, ouais. Non, il ne sera pas concerné. Il pourra en être conscient sans être concerné, donc ça ne passe pas à travers lui. Mais c'est ce qui est utile. Ce qui va concerner quelque chose de ce niveau-là, c'est quelque chose de lié à ce qui est quelque chose qui a à faire d'utile. Ouais, qui va permettre à l'individu d'évoluer, par exemple. C'est ça, parce que ce qui est. C'est comme. C'est pas parce que je suis pas concerné que par quelque chose que j'en suis pas conscient, mais ça ne passe pas à travers moi parce que ça me concerne pas. C'est ça, mais pour des fins d'évolution, admettons, si les plans voient que de donner un nom qui est simple à un individu, si l'individu a communiqué avec la foule, la masse, que c'est intelligent, ben. Ils vont amener cette idée-là pour favoriser une interface entre eux et le collectif à travers l'individu. Ben, c'est comme si on prend par exemple le prénom de Napoléon, Oui. qui était très peu commun, là, même pour la course à l'époque. C'était quelque chose qui sortait de nulle part. Mais c'est important qu'il y ait un nom qui était une nouvelle forme. Exactement, parce que dans le fond, ça amène une individualité par rapport à la singularité du personnage. Tu sais, il y a eu un Napoléon. C'est pas un nom commun comme Pierre-Jean-Jacques, où il y en a C'est ça. plusieurs. Il fallait une forme nouvelle. C'est un peu comme si Napoléon s'était couronné roi des Français, il y aurait eu une nouvelle révolution, ça n'aurait pas été là à cause de la forme. Donc, il s'est couronné empereur. Rien de moins. Ouais, ben c'est que les Français n'avaient pas entendu son coup, puis ils avaient pas, c'était pas chargé par la mémoire. Que le nom, le terme de roi avait. Puis comme c'est un fin politicien, il avait compris que la forme, ça aurait été impossible de se dire roi des Français, il y avait eu, ça n'aurait pas été long comme régime. Même si ça n'a pas été long, mais c'est pour d'autres raisons, mais il reste que ça prenait une nouvelle forme, puis non seulement le personnage arrive avec un nom qui est nouveau, puis il se couronne d'un titre qui est nouveau, puis même là, dans un régime qui est nouveau, Et puis, tout était nouveau, c'était parfait là, pour qu'elle énerve. Il y a beaucoup d'énergie qui circule rapidement. Exactement. Et pour toi, c'est quoi le destin de la France? Moi, à mes yeux, là, la France, c'est une construction psychologique, politique. Je vois, si on regarde le destin du peuple, ben là, d'un point de vue de la vibration, si on peut dire la mémoire génétique et tout, c'est déjà en transformation depuis longtemps. Et puis pour moi, là, la France, c'est très vague, là. C'est pas aussi fixe qu'eux pensent. De toute façon, la France, dès qu'un pays a une dette extérieure, il y a quelque chose, c'est seulement une forme, le terme de la France, à mes yeux. Mais au niveau de la réalité civilisationnelle, c'est quoi le destin de la France? Je pense que c'est le même destin que l'Allemagne. C'est-à-dire que ces deux pays-là servent à une construction qu'ils appellent l'Union européenne à s'imposer. Mais c'est lié à des transformations qu'il y a en Europe. Et puis, mais il y a quelque chose là-dedans d'une continuité d'un empire qui va finir par tomber. Mais pour moi, la France, c'est une petite partie de l'échiquier. C'est difficile pour moi le destin de la France. La France, en tant qu'esprit, si on peut dire, Oui. ben, ça continue à vivre un peu partout, en dehors de la France. Donc, jusqu'à un certain point, c'est plus une question de terroir. Oui, ben c'est sûr que la France a eu la période où elle a colonisé différents pays, dont le Québec. Nous autres, après tout, on est sur ce qu'autrefois on appelait la Nouvelle-France. En résidant au Québec. Donc, il y a eu un rayonnement qui a été fait par la France, notamment intellectuel. Il y a eu les encyclopédistes, il y a eu une tradition qui a visé à développer la haute connaissance intellectuelle, qui a favorisé une évolution au cours notamment du 18e, 19e siècle. Et moi, la question que je te posais par rapport au destin de la France, c'était dans l'optique de regarder par rapport à une perspective de l'avenir à l'égard de son rapport par rapport à l'évolution future de l'humanité. Bien, ce que la France avait à faire, c'est fait, le plus gros, c'est-à-dire la naissance de l'esprit empirique, avec Descartes et tout, qui était par rapport là, au plan psychologique là, qui se continuait, qui se finissait. Puis aussi, là, certaines grandes idées qui ont passé par la France, même si c'était peut-être pour manipuler les foules, il y avait des choses réelles là-dedans, mais le plus gros est fait. Et puis même là, si on regarde les francophones en Amérique, déjà là, c'est plus la vibration de la France. Non, on a une vibration qui est différente et tu ouvres la porte ici pour t'amener à parler du destin du Québec. Le destin du Québec, ben, moi c'est quelque chose, j'ai l'impression, puis c'est assez fort, que le Québec va être une terre de refuge. Et puis ça, c'est quelque chose que je parle pas beaucoup parce que ça inquiète beaucoup de monde. Ben, Mais on va dire aux gens, inquiétez-vous pas, là, restez calme. c'est ça. Faut pas croire ce qu'on dit, mais moi aussi j'ai la vibration que la Terre du Québec va être un lieu de refuge, notamment de réfugiés climatiques qui vont venir un peu partout dans le monde, mais aussi un refuge au niveau psychique par rapport à des individus qui vont être attirés par la vibration de ce peuple jeune et nouveau qui a une certaine liberté, n'ayant pas le poids des mémoires ancestrales à différentes de d'autres civilisations millénaires. Oui. Et puis, si on regarde là, par rapport, là, on va souvent dire, oh, les Québécois, le Québec profond, ils sont influencés par le catholicisme. Mais si on le regarde, le catholicisme est moins fort au Québec qu'en France. Il n'y a pas de mouvement au Québec comme les lefèvristes, puis les choses comme ça, c'est pas aussi fort. Puis, si on regarde aussi c'est comme les Français, si on regarde ce qu'ils appellent l'esprit républicain, c'est presque aussi fort que ce que. Ça peut autant nuire que le catholicisme, tellement c'est devenu des formes chargées d'émotivité. Puis, au fond, les Québécois sont extrêmement chanceux parce qu'ils ont une mémoire en mouvement. Les formes se détruisent, se renouvellent, elles reviennent sous d'autres formes, mais c'est moins drastique, c'est moins agressant. Parce que Les Québécois n'ont pas la même relation par rapport à l'identité nationale. Ben là, même, il y a différents types de Québécois par rapport à ça. Mais en France, ils ont, si on peut dire, sacralisé l'État pour remplacer l'Église au point où il s'est chargé d'émotions et ça, les gens ne le voient pas. Il reste que ça revient au même. C'est des vieilles choses. Mais au Québec, je sens pas ça aussi fort. J'ai l'impression qu'en Europe, il y a tellement de pollution que ça va être des réfugiés climatiques, comme tu dis, psychiques. Et psychique. Entre Moi, autres. je mets les deux. C'est-à-dire que Oui. il va y avoir des gens que, par exemple, si on pense aux côtes américaines, la côte est, la côte ouest, la Californie qui est ravagée présentement par des incendies. Donc, pour des raisons de catastrophes naturelles, il y en a sans doute qui vont immigrer vers le Québec, mais aussi au niveau psychique par rapport à un attrait vibratoire qui va se faire notamment à travers Internet à l'égard du rayonnement des idées. Notamment par rapport à des notions d'égalité homme-femme, le respect du droit des homosexuels, la possibilité de la femme ici de se faire avorter, puis mourir aussi dans la dignité, différentes choses comme ça qui sont quand même assez innovateurs sur le point de la civilisation. Oui, parce que si on regarde les États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de des groupes fondamentalistes chrétiens pour qui, par exemple, les choses que tu disais, comme par exemple la liberté des sexes, le droit à l'avortement, pour eux, ça, c'est satanique. Donc, même les Américains, c'est pas comme le Québec, là. Puis les Américains, ils ont une forte immigration de gens qui viennent des pays d'Amérique du Sud qui sont très, très christianisés, là. Mais là, je dis dans le sens d'être rétrograde un peu. Donc, le Québec, c'est comme une partie de l'Amérique qui est à cheval entre les extrêmes. Puis c'est le climat. À mes yeux, c'est un climat plus sain. J'ai jamais vu ici au Québec là, des fondamentalistes chrétiens faire exploser des cliniques d'avortement. On peut voir ça peut-être dans le Canada anglais, mais au Québec, c'est comme si la vibration désamorçait ces choses-là. Oui, exactement. C'est sûr que si on pense, par exemple, par rapport aux attentats terroristes, il y en a eu beaucoup en Europe, il y en a abondamment en Irak, en Afghanistan, mais ça ne fait pas partie du quotidien ici au Québec d'avoir des attentats régulièrement. Non, et puis même, il y a peut-être nos voisins ontariens là, qui sont par rapport à des choses qui sont arrivées à Toronto, puis qui sont aussi, ont aussi peut-être le côté anglo-saxon, que c'est facile de leur monter un climat comme ça. Mais quand je regarde au fond, si on regarde par rapport à monter un climat comme ça de terreur, les Français ont mieux réussi que les Américains. C'est très surprenant. Mais pourtant, c'est ça, au fond, là, le Québec, il y a quelque chose qui fait que même pendant la crise d'octobre, si on regarde là, la façon dont les Québécois ont réagi, je pense, pour que ça ait créé j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont attendu que ça passe. Oui, c'est sûr que la crise d'octobre 70, finalement, ça n'a pas débouché sur une guerre civile. Ben non. Puis si on regarde des petits événements beaucoup plus anodins qui se sont passés ailleurs, et ça a débouché en guerre civile. Oui, c'est ça. Les Mais oui. Québécois sont jusqu'à un certain point, ils sont protégés là, il y a un climat psychique différent qui les protège, c'est une sorte de cocon. Oui, dans le sens que, par exemple, on est le seul peuple qui, en Amérique du Nord, sur le continent, parle français et on est entouré d'anglophones, que ce soit le reste du Canada ou au sud, les États-Unis, ou sinon à l'est, le Nouveau-Brunswick. Donc, Il y a les Haïtiens aussi qui font quand même partie de l'Amérique. Ça paraît pas, mais c'est l'Amérique quand même. oui, mais pas l'Amérique du Nord. Non, mais C'est ça pour ça que reste des j'ai dit l'Amérique du Nord. francophones. Oui, Moi, non, ça, je t'as les trouve raison. importants, les Haïtiens. Comment? Je les trouve très importants, les Haïtiens. Les Haïtiens et les Québécois sont liés. Ah, explique pourquoi. Au niveau de leur destin. Parce que par rapport à des choses à moi, ça, je le sens fortement, mais là, je peux pas. Ben, ils Comment sont je liés pourrais par dire la ça? langue, parce qu'on parle la même langue, le Ah, pas juste par français. la langue, au niveau du destin. Ben, s'il y a une collaboration, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'immigration de gens qui proviennent d'Haïti au Québec. Donc, il y a des liens entre des Québécois et des Haïtiens. Il y en a beaucoup, mais Oh, est-ce que... c'est plus actif que ce que les gens pourraient penser. À cause de l'instabilité d'Haïti, il y a une diaspora qui est beaucoup plus organisée chez nous. Au fond, Haïti est en train de. C'est comme si le cœur est là-bas, mais l'intelligence est au Québec. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient de la pauvreté en Haïti qui se sont exilés pour aller vivre au Québec dans l'optique d'améliorer leur sort. Parce que la partie des États-Unis et le Québec, là, les Haïtiens sont. Puis c'est de pas non plus de pas se faire prendre à pas penser que aussi on a un destin extrêmement important. Bien, Parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation là-dedans, mais il reste que il y a quelque chose chez ce peuple-là qui c'est. Habituellement, quand un peuple est retardé à ce point-là par des forces là, dans l'invisible, c'est parce qu'il y a quelque chose de très fort. Ben, c'est-à-dire retardé, c'est sûr que en Haïti, il y a beaucoup de corruption sur le plan politique. Oh, c'est pas de ça. Je parle de toute façon, ce qui arrive sur le plan politique, c'est une densification de. Ben, attends une minute. S'il y a de la corruption sur le plan politique d'individus, puis la pensée vient d'ailleurs, ben, ces gens-là reçoivent C'est des ça. pensées d'entités qui sont corrompues, donc des êtres du monde de la mort. Puis aussi, il y a des pratiques ancestrales, comme si on pense au vaudou. Oui, c'est carrément le commerce avec l'astral. Ben, c'est ça Toutes que j'allais dire. les religions, c'est un peu ça, mais dans quelque chose d'animiste, comme là, c'est beaucoup plus fort. Ben, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, par rapport au vaudou, l'invocation d'esprits, dans le pire des cas, qui sont très noirs ou maléfiques. Ben, même là, le côté maléfique, il y a la conception que l'être humain a du mal. Parce que c'est toutes des forces entêtisées. Oui, ben en fait, d'êtres qui sont plus bas en vibration que d'évoquer des anges dans une activité avec du monde du nouvel âge, là. Ouais, ben c'est un monde qui est très très vaste, mais il reste que ça regroupe toutes les vieilles. C'est presque une synthétisation de tout ce qu'il y a eu. Exact. Mais Donc, concernant le destin d'Haïti, moi, la façon que je vois ça, c'est qu'éventuellement, c'est sûr que à cause des changements climatiques, eux autres, ils vont écoper. Haïti, c'est une île. Donc, c'est sûr que c'est Oui, au mais niveau de la... je parle pas du terroir. Je parle du peuple. C'est-à-dire... Le peuple haïtien, c'est pas celui qui vit en Haïti, c'est celui qui est actif créativement partout dans le monde. Moi, à mes yeux, Haïti, c'est pas la péninsule, la presqu'île d'Haïti. Pour moi, Haïti, c'est ce qui est. C'est un peu comme à l'époque où Israël n'existait pas, puis on parlait le peuple juif qui était. C'était pas un lieu. Moi, mes yeux, pour moi, Haïti, c'est très passager au niveau du terroir, là. De toute façon, on parle de gens qui ont été implantés là. Ça n'a rien à voir avec un terroir. L'Haïti réel, il est lié à leur vibration en tant que peuple, il n'est pas lié à ce lieu-là. Non, mais je comprends ce que tu peux vouloir faire allusion sans doute au rayonnement culturel, si on pense à des écrivains comme Danny Laferrière, qui est d'origine haïtienne, qui a immigré au Québec, qui a rayonné ici par ses idées à travers ses livres. Mais le point que je voulais faire, c'est que à cause des changements climatiques, j'espère me tromper dans ma voyance, mais la façon que je vois ça, c'est que Haïti va éventuellement être submergé en bonne partie par les eaux, puis les Oh gens... ben, Oui. les Haïtiens ont un destin important, dont je te parle, ce sont des gens qui vont vivre en Amérique du Nord. OK. Mais s'il reste que c'est important quand même, c'est pareil au niveau là, de ce Ben, qu'on le pourrait concept dire, est... Ouais, le con... les Français sont extrêmement importants, mais par rapport à comment je le vois, c'est pas des Français qui vont vivre en France. Moi, Oui, bien, par rapport à ça. dans ta conception, mais la question de l'importance est quand même relative dans le sens que chaque individu a un rôle à jouer. Fait que la personne soit sur l'île d'Haïti ou qu'elle soit immigrée au Québec, si la personne véhicule une vibration qui favorise un éveil psychique, ben, elle fait quelque chose d'utile. Et pas juste la vibration individuelle, là, je parlais de la vibration qui fait qu'un peuple est lié là, par. Parce qu'on parlait des Québécois, par exemple. Oui. Les Québécois, ce n'est pas un pays, à mes yeux, c'est une vibration collective. Mais de toute façon, on n'est pas encore reconnu officiellement comme pays. Le Bon, référendum n'a ben, pas je disais passé au après niveau, tout. là, comme on l'entend anciennement, là, comme le terroir. Parce que, au fond, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus que. Oui, les Québécois sont extrêmement importants, mais parce qu'ils vont servir par rapport à d'autres peuples quelque chose qui va être plus global que ça. Mais c'est un peu comme longtemps, les Juifs, si on peut dire, ont été les dépositaires de quelque chose. Puis, les Québécois, il y a des parallèles peut-être à faire avec les Québécois parce que c'est un peuple à qui on a volé. Comment je pourrais dire ça? Pour former un peuple, il faut lui prendre quelque chose. C'est ça qui a rendu les Juifs forts. Puis le fait d'avoir tout. Bon, les Québécois ont quelque chose de parallèle à ça, mais ils ne le voient pas. Mais c'est pour ça aussi que je le vois comme le supramental. Bon. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à ça, mais c'est moins, un petit peu moins actif quand même en France qu'au Québec. Pourtant, il y a beaucoup plus de gens. Mais il reste que c'est lié à une vibration qui. J'ai l'impression que ce qui fait les Québécois, c'est la vibration de. Si on peut dire, d'un destin. Mais c'est pour ça que c'est lié au destin, que je vois ça comme un destin. On dirait que c'est lié particulièrement à un terroir, mais nouveau. Le Québécois, c'est un être en transition. Mais comme tous les peuples, mais on dirait que c'est plus. Bien, une transition quand même assez rapide, parce que là, on parle dans quelques décennies que l'essentiel des églises au Québec se sont vidées à un point tel que des églises qui ont été converties en condominium, il y en a certaines qui ont été détruites. Donc, un peuple qui change assez rapidement, là. Donc, on parle Ah de ben quelques là, ça, décennies. je vois ça comme c'est pas si différent qu'ailleurs. Je parle en Amérique, là. Bien, ça Mais. dépend parce que si on pense par exemple au peuple russe, qui avant le communisme était dans beaucoup de cas orthodoxe, les gens pratiquaient la religion orthodoxe. Par la suite, le communisme a imposé l'athéisme lorsque ça a été sous la gouverne communiste. Et ce qui a fait en sorte qu'une fois que le communisme s'est tassé, bien, il y a beaucoup de gens qui ont joint la religion orthodoxe par la suite. Oui, parce que la religion orthodoxe, quand les régimes communistes arrivent, puis là, Lénine, il fait tomber les dômes des églises, puis la religion n'a pas disparu, elle a été pratiquée. C'est juste qu'après que le communisme part, là, elle revient à la lumière, mais elle a tout le temps été pratiquée. Oui, ça se faisait clandestinement. Oui. C'est parce que j'avais écouté un documentaire là-dessus qu'il y a certains intellectuels qui disaient que c'était une forme de retour en arrière, que ces gens-là n'avaient pas intégré la notion de la liberté de l'emprise religieuse. Puis c'est. À mes yeux, oui, il y a un retour en arrière, puis c'est pas nécessairement lié au retour de la religion orthodoxe, parce qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un terreau pour les sectes. Choko Asahara, là, Ayum Shinrikyo, il y a une grande partie de ses adeptes qui étaient en Russie. Puis c'est très surprenant, mais c'est un terreau extraordinaire pour les sectes, la Russie. D'ailleurs, il y a plusieurs hurluberlus qu'on connaît, là, ils ont leur succursale en Russie. Puis c'est pas surprenant. Mais le retour de la religion orthodoxe était accompagné d'un paquet de nouvelles choses qui sont. Mais les Russes, c'est un peuple qui a une grande mémoire mystique, donc c'est un terreau favorable aux sectes. Mais c'est pas le cas des Québécois, par exemple. Les Québécois, c'est pas des mystiques comme les Russes. Les Russes, il y avait un côté d'animisme dans leur mysticisme. Puis il n'y a pas ça chez les Québécois. C'est là que, oui, on a des avantages au niveau de la mémoire parce qu'on remarque que chez d'autres peuples, on va essayer d'éteindre quelque chose, une mémoire, puis elle revient en force par après, puis accompagnée de nouvelles choses, ça revient en force. Oui, puis quand j'en ai fait l'étude, là, c'est-tu qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'est que le changement de faire passer les gens de croyances religieuses à l'athéisme, ou ce que la personne se libère des croyances religieuses. C'est un mouvement qui était forcé puis imposé à l'individu. Puis comme ça venait de pas lui, ben l'individu va retrouver l'état antérieur si on lui en donne la chance. Donc ça revient au principe que l'individu, s'il est au stade de la croyance, quand même que tu veux l'amener au stade de l'intellectualité, s'il n'est pas prêt, ben quand on l'obligera plus puis il va être libre, ben, il va retourner où ce qu'il était si ça vient pas de lui. Ben oui, parce que dans le supramental, on parle du plan psychologique comme d'un mental inférieur. Puis c'est d'avance parce qu'il y a beaucoup de peuples sur Terre, ils ont même pas atteint le niveau psychologique. Non, c'est ça. Fait que t'as des gens qui sont au niveau de la croyance subjective, d'autres de l'intellectualité, de la scientifique, des concepts scientifiques, puis il y en a d'autres qui touchent au supramental, mais c'est très rare, là. Ben, ce qui est surprenant, c'est que le supramentaliste puis quelqu'un qui est dans des croyances subjectives, mémorielles, au fond, ils ont quelque chose en commun s'ils veulent pas penser. Sauf qu'il y en a un qui pense par lui. Au moins, il sait que la pensée vient pas de lui. Puis il y en a un autre que lui, quelqu'un pense à sa place. C'est de la mémoire qui pense à sa place, des vieilles choses. C'est Mais il ça, mais reste que les deux, c'est pour éviter l'inconfort du plan psychologique. c'est ça, c'est d'éviter de penser, mais il y en a un qui procède à partir de forme, alors que l'autre à partir d'une vibration, ce qui est très C'est différent. ça. Puis il y en a un qui va échouer pour toujours. C'est impossible de laisser des choses antérieures penser à notre place, c'est penser. Ça, en plus, c'est même pas. En plus, c'est créer des fausses identités, des civilisations qui ont été des vraies civilisations, mais il peut pas y avoir de. Il y a quelque chose qui manque parce qu'il y a quelque chose qui est pas réel, c'est subjectif. Mais au moins, c'est. La personne qui est dans des croyances puis qui se pose pas de questions, elle n'est pas dans l'inconfort d'avoir à penser, mais c'est pas de la conscience. Tandis que quelqu'un qui sort de l'inconfort de la pensée parce qu'il sait que c'est subjectif, puis que ça vient pas de lui, puis il veut plus s'identifier à ça, puis il veut plus avoir une fausse identité qui est une construction, là, ça, c'est autre chose, là. C'est comme il y en a un qui va aller en dessous du plan psychologique, puis l'autre qui en sort par le dessus. Exactement, parce que l'autre qui fonctionne plus avec des formes puis avec une vibration, ben à ce moment-là, il y a la légèreté psychique de ne pas souffrir de la réflexion. Mais à ce moment-là, c'est qu'il atteint un seuil psychique qui transcende la condition de l'autre qui fait simplement pas réfléchir pour être libre en s'enfermant dans des formes. C'est ça. Parce que c'est étrange à dire, mais quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui ne le sait pas, au moins il ne souffre pas de l'inconfort de ce savoir qui est ancré. Exactement. Donc, ça revient au principe que la souffrance est liée au stade transitoire de la mutation psychique. C'est ça. Ben, quelque part, quand tu le sais que tu n'es pas libre, au début, il va avoir de la colère terrible et tout. Puis, à un moment donné, il va y avoir une sorte de maturité de faire avec, si on peut dire. Et puis, jusqu'à, c'est paradoxal, mais d'accepter le fait qu'on n'est pas libre, ça libère. Ça a l'air. Mais c'est pas psychologique. C'est pas ce que les psychologues appellent de la résilience. Ça n'a rien à voir. C'est là que ça devient difficile parce que. Si quelqu'un qui écoute ça puis qui l'interprète psychologiquement, il peut pas voir la différence, c'est impossible. Exact. Parce que il est pogné dans les polarités, il est pris dans les formes, puis ça a l'air paradoxal. Donc, je pense qu'il est venu à présent le destin qui fait en sorte qu'il va falloir conclure l'enregistrement. Donc, quelle serait selon toi, par rapport au destin, la plus grande chose, la plus grande réalisation que tu as faite par rapport à ce sujet? C'est de réaliser que j'étais pas responsable des choses avec lesquelles je culpabilisais, entre autres, que toute la pesanteur, la lourdeur psychologique que je m'étais imposée des années de temps était de l'illusion. Que j'ai vu la programmation, puis c'est paradoxal, mais j'étais programmé pour un jour la voir. Excellent. Donc, sur ces mots, je te remercie, bien entendu, pour tout le temps que tu m'as consacré généreusement pour cette entrevue. Ah ben, il n'y a pas de quoi parce que pour moi aussi, c'est beaucoup, donc je te remercie. Donc, à bientôt. À bientôt. Pour terminer, avant que je l'oublie, pour les gens qui sont intéressés d'en savoir plus sur Berthold et d'entendre notamment de ses enregistrements, vous pouvez aller sur son site web dont le lien va figurer en bas de cette entrevue.